Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. فماذا أخذنا في درسنا الأخير في شرح أسماء الله الحسنى عند من تفضل في درسنا الأخير تفسير اسم الخالق والبارئ والمصور فعند من معاني هذه الأسماء العظيمة الخالق البارئ المصور نعم بمعنى التقدير بمعنى تقدير الأشياء قبل خلقها نعم أن الله سبحانه وتعالى قدر إلى ديكريتي que telle chose elle va être créée زيد والبارئ هو الذي يخلقها التقدير نعم هو التنفيذ هنا الفعل أي أن الله سبحانه وتعالى il va créer cette chose والمصور نعم هو الذي خلقها على أحسن صورة c'est le مصور c'est lui qui va façonner هذا الشيء بحكمته وقدرته فهذه الأسماء كلها كما قال الشيخ سعدي الذي خلق جميع الموجودات أي c'est non ils sont liés au fait de créer الله سبحانه وتعالى c'est le créateur c'est le bari c'est le مصور لكن on a cité cette faïda que le frère vient de répéter anna idha jumi'at fi nas kama fi ayat surat al-hashr fa al-ulama idetay anna al-khaliq bi ma'na al-taqdir wa al-baris bi ma'na al-tanfid wa al-musawwir bi ma'na al-taswir wa illa fa ma'naha il est wadih Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toutes choses wa al-thamara المسلكية من هذه الأسماء أي الذي يعتقد أن الله عز وجل الخالق البارئ المصور فماذا عليه تفضل من هذه الأسماء الاستسلام لله عز وجل زد ويرجو من الله فقط ولا يخاف من غيره نعم أي أن يعبد الله عز وجل وحده والعبادات تنقلب تسك الأخ إلى الستة وأكثر الخالق المستحق للعبادة سبحانه وتعالى ثم ماذا أخذنا بعض الأسماء الثابتة منها ما هو الثابتة منها القابد القابد والباسط وال ها المعطي القابض الباسط المعطي أما الخافض والرافع والمعز والمذل والضار والنافع فهذه الصحيح أنه يقد الدليل أنها من الأسماء الحسنى لكن من باب الإخبار لا شك أن الله سبحانه وتعالى يلف كيفي غابس كيفي كما تقدم والحمد لله dans le dernier درس on a cité des معاني عظيمة في أو نعم لهذه الأسماء من كلام الشيخ السعدي رحمه الله أما الباطن فتقدم معنا أما قوله بديع السماوات والأرض فتقدم معنا أن هذا الاسم من الأسماء المضافة وابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم يظنون أن الأسماء ما هي أو منها ما هو من الأسماء المفردة أي أن ننسل أن أمو كم الله كم الإله كم البصير كم السميع كم بكدن والخالق إلى آخره ومنها الأسماء التي إذا ذكرت فيجب ذكر ما يقابلها من الأسماء المزدوجة يسميها الإمام ابن القيم رحمه الله مثل ماذا القابض والباسط وما تقدم معنا في الدرس الخسدة ومنها الأسماء المضافة فهنا يعني إضافة بديع السماوات والأرض سوف تكون السماوات المخفوض il est majrour bil idafa, il est mudaf ilayhi, badi' ila, il est mudaf, badi'u as-samawati wal ard. تقدم معنا ان بعض العلماء لا يثبتون الاسماء المضافه انها من اسماء الله عز وجل. Et d'autres savants يقولون انها tant qu'il y a un dalil, on dit que c'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهناك كلام للامام ابن القيم رحمه الله او plutôt شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال وكذلك هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة والدعاء بها بإجماع المسلمين أي c'est permis de faire du'a bihadhi al-asma bil-ijma'. Wa Cheikh al-Islam huna qal wa kadhalika asma'uhu al-mudafa. Fa Cheikh al-Islam yuthbit hadhihi al-asma. Tant qu'il y a un dalil, fa tayyib nuthbituha. Et ba'd al-ulama yaqulun c'est min bab al-ikhbar aw c'est des af'al. Badi'u as-samawati wal-ard, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. فبعض العلماء يقولون إخبار أن الله سبحانه وتعالى لفت الشوز كم مالك يوم الدين, إخبار أن الله مالك يوم الدين, فعندهم سبان اسم. بعض العلماء قالوا لا هذه أسماء, أسماء مضافة. والأمر سهل, l'essentiel c'est de comprendre le معنى, l'essentiel c'est التعبد لله سبحانه وتعالى, c'est adorer الله سبحانه وتعالى بمقتضى معنى هذا الاسم. حتى الإنسان إن شاء الله ففقتي دستك الله سبحانه وتعالى إليه في الدنيا والآخرة. ابن القيم كذلك يثبتها. Et dans ce livre qu'on lit ensemble, الشيخ السعدي رحمه الله il a cité هذه الأسماء بديع السماوات والأرض, كذلك سيأتي معنا بإذن الله عز وجل جامع الناس et d'autres أسماء مضافة. هذا تنبيه على هذه المسألة. وتقدمت معنا لكن on n'avait pas détaillé فيما أذكر في قواعد المطلق قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا, ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا, هذا في قواعد المطلق. Après avoir cité 99 noms, تذكرون أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله il a cité que des أسماء مفردة, ثم رفع إلى فان تنبيه il a dit et certains noms ils sont مضافs. Et il ne les a pas cités pour montrer qu'il y a plus de 99 noms. فَأَسْمَاءُ subhanahu wa ta'ala غَيْرْ مَحْصُورَ فِي عَدَدٍ مُعَيَّنٍ. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas limités à un nom précis qu'on connaît. Allah, il a plus de 99 noms. فَلِهَذَا شَيْخُ الْعُثَيْمِينَ il a cité 99 noms sans الْأَسْمَاءَ الْمُضَافَ. Amma s'il aurait cité الْأَسْمَاءَ الْمُضَافَ, فَلَا شَكَ أَنَّ, il y aurait beaucoup plus que 100 noms. Et il a cité comme exemple مَالِكَ الْمُلُكَ, ou مَالِكَ الْمُلْكَ plutôt. مَالِكَ الْمُلْكَ ومثل ذي الجلال والإكرام, وذو الجلال والإكرام إن شاء الله سيأتي معنا في هذا الكتاب. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة باختصار, وإلا فالمسألة في الحقيقة demande un بحث plus approfondi, des recherches plus approfondies, et à notre niveau نحن والله الحمد pour l'instant ça suffit. L'essentiel نحن dans ce livre ensemble c'est qu'on comprenne المعاني, et comprendre معاني الأسماء كذلك معاني الأفعال معاني الصفات c'est مهم. لأن même ceux qui disent que بديع السماوات والأرض c'est pas un nom d'Allah, فلا شك أن يثبتون هذا, يثبتون هذا من حيث الفعل. Donc c'est important de connaître le معنى. فالله سبحانه وتعالى c'est بديع السماوات والأرض, لكن est-ce que c'est un nom أم لا, c'est ça le sujet où qu'il y a divergence. Faut bien comprendre هذا الأمر. Et nous, ce qui nous intéresse أكثر dans ce livre, c'est de comprendre le sens. قال رحمه الله ومن أسمائه تعالى البر والوهاب والكريم. Trois autres noms. Et ces noms, ils sont متقارب في المعنى. C'est pour ça que الشيخ سعدي رحمه الله les a cités ensemble. البر والوهاب والكريم. قال رحمه الله الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه فهو مولى الجميع ودائم الإحسان وواسع المواهب. فتو comprends من هذه الأسماء أنها تدل على أن الله سبحانه وتعالى كريم أي إذن بك. من معاني هذه الأسماء العطاء والإكرام. فالله سبحانه وتعالى كريم, كذلك الوهاب, كذلك البر. فتتل نعم كتو أخي الكريم سمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. Tous les bienfaits, que ce soit les bienfaits qui sont liés au din, comme la foi, comme la science, comme les bonnes œuvres, comme la guidée, ou les bienfaits qui sont liés à dunya, comme la bonne santé, comme l'argent, etc. Fait tout ça, c'est min karamillahi subhanahu wa ta'ala, c'est min fadlillahi subhanahu wa ta'ala. C'est le bar, c'est le wahab qui a donné à su'ab, هذه الأمور. قال وواسع المواهب وصفه البر وآثار هذا الوصف. وصفه البر, الاسم البر. قال هذا الوصف وآثار هذا الوصف جميع النعم الظاهرة والباطنة. آثار هذا الوصف أي الله سبحانه وتعالى البر سيسلوي كي دن بكو. آثار هذا الاسم وهذا الوصف tout ce que tu vois من نعم, que ce soit les ni'am al-zahira ou al-batina, que ce soit les ni'am qui sont apparentes ou qui ne sont pas apparentes, tout ça c'est min athar hadhihi al-asma. Aïe, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné ces choses à ses serviteurs. Limadha? Li'annahu il est muttasif, muttasif plutôt bil-ikram wa bil-bir. Et kadhalik c'est le wahhab subhanahu wa ta'ala. Fala yastagni makhlouqun an ihsanihi وبره طرفة عين. هذا on doit se rappeler, on doit essayer de دائما se rappeler de هذه المعاني, لأن بعض الناس sont tombés في الغفلة. Et هذه الغفلة عيدا بالله elle les a poussés à ne pas se soumettre et à ne pas être reconnaissant. فتأمل قوله فلا يستغني مخلوق. لا يستغني مخلوق أي n'importe quelle créature. Toutes les créatures, elles ne peuvent pas se passer de هذا الإحسان وهذا البر, de tous ces bienfaits, de tout ce que Allah nous a donné. Personne ne peut s'en passer. Prends فقط نعمة الماء, l'eau. C'est une نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. S'il n'y a plus d'eau, فلا شك il n'y a plus de vie. La vie, elle est liée à l'eau. كذلك l'oxygène. ثم si tu prends نعمة الهداية ونعمة القرآن ونعمة الرسل والكتب, فلا شك أن الإنسان il peut pas se passer de هذه النعم. C'est pour ça que l'insan il est qualifié de faqir. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est le ghani. Allah il possède tout. Et l'insan il possède rien. C'est pour ça que en tant que abd, en tant que faqir, tu as besoin de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-azima. Wa sata'ti ma'ana bi idhnillahi azza wa jalla al-qayyum, al-ghani, al-samad. Tous ces noms, ils montrent en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui possède tout, et l'abd, il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma l'insan, iyadan billah, qui oublie hadhihi al-ma'ani, il va tomber fi al-ghafla, l'insouciance, il va oublier. Kam minan nas, yatana'amuna fi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, laylan wa nahara. Et ils profitent des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Ils sont en bonne santé. Ils ont de l'argent, ils ont des enfants, ils ont un foyer, ils ont un travail. Ils mangent, ils boivent, ils agrent. Iyadan billah, hatta qawl bismillah, ils ne le disent pas. On ne parle pas des kuffars. Al-kuffar, c'est des kuffars. Et iyadan billah, c'est des kuffars. Limadha li'annahum jahadu wa ankaru. C'est pour ça, et c'est ça, même ma'ani al-kuffar, al-juhud wa al-inkar. Hatta al-ba'd. Ils ne reconnaissent plus Allah en tant que créateur. Ah, on laisse des kuffars, ils iront éternellement en enfer à cause de leur mécréance. S'ils meurent à la hadal ha. Là, tu trouves, بعض المسلمين, c'est un musulman. Mais à cause de le ghafla, son cœur, il est très très faible. من حيث هذه المعاني. Il ne donne pas de temps à étudier les noms d'Allah, les attributs d'Allah, la croyance en général. Enfin, il faiblit son cœur, il durcit. قول بسم الله avant de manger, il ne le dit plus. Alhamdulillah après manger, il ne le dit plus. Adhkar al-sabah, il ne le dit plus. Adhkar al-masa, il ne le dit plus. Dit-on fi ghafla. Amma qawl al-mu'min al-salih qawi al-iman et qui connaît hadhihi al-ma'ani, il ne tombe pas fi ghafla. Limadha li'anna, tout ce qu'il voit, c'est des doros pour lui. Tout ce qu'il voit et tout ce qu'il a min awlad wa mal wa sihha wa afia wa din wa ilm, tout ça, ça lui rappelle chaque jour, à chaque instant, an al-karim c'est Allah, al-bar c'est Allah, al-wahhab c'est Allah. Fait dunya, si quelqu'un te donne une chose, wahad il te donne une chose, il te rend service. Maintenant tu avais besoin de l'argent, il te donne de l'argent. Tu avais besoin d'un livre, il te donne un livre. Tu avais besoin d'un service, il te rend le service. Ta'aoun, tu n'oublies pas son khayr. Ben à chaque fois que tu le vois, Robama, tu vas te rappeler de cette chose qu'il a faite pour toi, et ça t'a rendu service, et tu vas le remercier, tu vas être souriant. Tu vas pas oublier. Tu vas pas oublier son khayr. Enfin, que dire de celui qui t'a donné la vie, qui t'a guidé, qui t'a créé? Il t'a donné l'islam, il t'a facilité le chemin pour apprendre. C'est lui qui t'a donné à manger, à boire. Il a akhiré. Enfin, pourquoi on l'oublierait? Celui qui l'oublie, c'est qu'il a un problème dans le cœur. Et ce problème en général, on parle de concernant les croyants, les musulmans, kathiran, c'est à cause de l'ignorance. L'ignorance et ad-dunya, c'est deux choses. L'ignorance, l'insan, même s'il a une bonne intention, il ne peut pas méditer, il ne comprend pas le Coran, il ne connaît pas les noms d'Allah, il ne connaît pas les sens. Il tombe vite dans l'ignorance, il tombe vite dans l'insouciance, les malades, à cause de l'ignorance. Et iyadun billah, si avec cette ignorance, l'insan il est attiré par dunya et pense que dunya, fahuna c'est al-musiba. Fahuna c'est une catastrophe. Et anahu, il est ignorant et dunya, ça va être un obstacle entre lui et l'ilm pour enlever cette ignorance. L'ignorance, c'est pas une mauvaise chose en soi. On est tous ignorants à la base, mais l'essentiel, c'est de tout faire pour enlever cette ignorance. Amma ad-dunya, elle t'empêchera, akhil karim, de faire des efforts pour enlever cette ignorance. Falihada li mal'ouna. Falihada al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre fitnat ad-dunya. فلهذا العلماء sans cesse mettent en garde contre هذه الدنيا هذه الفتنة هذه الفتنة elle a écarté beaucoup de gens du ilm هذه الفتنة الدنيا elle a fait tomber beaucoup de gens في المعاصي. Et un des meilleurs moyens pour faire attention à cette فتنة عظيمة الدنيا ce bas monde et toutes les tentations de ce bas monde, un des meilleurs moyens pour s'en écarter c'est العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته. Tu vas savoir que Allah c'est le Wahhab, c'est lui qui donne. Enfin, ne t'inquiète pas, tu mangeras, tu boiras, tu auras un toit comme tout le monde. Ne t'inquiète pas. Hada, en fait, c'est pas un problème. Comme taqaddam ma'ana, les animaux ils mangent. C'est pas un problème, hada. Tout le monde mange, walillahi l'hamd. Bel, fais attention que ton ventre ça ne devient pas une fitna. Falihada, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال ما أخاف عليكم الدنيا أو كما قال. أو قال لا أخشى عليكم الفقر هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أخشى عليكم الفقر أي جي با بير بور فو لا بوفرتي قال بل أخشى عليكم أن تفتح لكم أبواب الدنيا بل جي بير بور فو كو لي بورت دو الدنيا السوم سي لا الفتنة on doit pas avoir peur de la pauvreté et la guerre bel alhamdulillah on va manger comme tout le monde on va boire on va s'habiller et on mourra comme tout le monde c'est pas un problème hada le problème c'est que dunya elle s'ouvre c'est là le fitna. Mais on voit une époque, il faut beaucoup d'efforts pour avoir cette dunya. Alors que cette dunya, elle viendra. Tu auras ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a décrété, tu mourras, l'essentiel c'est après la mort. قال رحمه الله فلا يستغني مخلوق عن إحسانه وبره طرفة عين وتدل هذه الأسماء على سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضي حكمته وإحسانه نعم قال بحسب ما تقتضي حكمته. Vous avez remarqué que هذه الأسماء في الحقيقة elles sont liées à d'autres أسماء في المعنى خاصة اسم الرحمن اسم الرحيم. فلهذا الشيخ سعدي رحمه الله dans l'autre رسالة فتح الرحيم الملك العلام il a cité هذه الأسماء qu'on vient de lire ensemble البر والوهاب والكريم et كذلك il a cité اسم الرحمن والرحيم et الرؤوف فإلا cité tous ces noms ensemble لماذا لأن المعنى المتقارب قال الرحمن الرحيم البر الكريم الجواد سيأتي معنى الجواد اسكيل الثابت أم لا والوهاب والرؤوف قال رحمه الله هذه الأسماء الكريمة متقارب معناها c'est pour ça que هنا dans l'explication il a cité ما يتعلق بالرحمة عليه رحمة الله قال وتدل هذه الأسماء على سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود نعم فنعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها c'est innombrable tu ne peux pas compter الله سبحانه وتعالى كريم الله celui qui t'a donné la vue celui qui t'a donné le goût celui qui t'a donné le sens de l'odorat C'est lui qui t'a donné des mains. C'est lui qui t'a permis de te déplacer. Tout ça, c'est des ni'am. Ni'matul basar faqat. Si tu devrais rendre compte que sur ni'matul basar, tu ne pourrais pas. Imagine un tas, chaque moment où tu vois, tu dois payer. Exactement comme quand tu utilises l'eau, l'électricité, tu dois payer. Imagine un tas, chaque fois que tu regardes, tu dois payer. Ça s'enregistre. C'est toi qui payes. Qu'est-ce que c'est affaire ? Tu ne pourrais pas. Si tu rajoutes l'ouïe, si tu rajoutes l'odorat, فَنِعَمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَثِيرًا C'est أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ Et هذه المعاني, Inch'Allah, on les détaillera un peu plus quand on arrivera au nom الرحمن et الرحيم. قَالُ وَإِحْسَانُهُ عَامٌ وَخَاصٌ كذلك اسم المحسن Et on verra في ثبوته نظر Est-ce que c'est un nom parmi les noms d'Allah سبحانه وتعالى لكن لا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو الإحسان c'est lui qui donne à qui il veut سبحانه وتعالى هذا الإحسان tu peux traduire par les bienfaits par le bien que Allah il donne عام وخاص il y a un إحسان il est عام et c'est pour tout le monde et il y a un إحسان il est خاص c'est que pour certains قال رحمه الله فالعام المذكور في قوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ورحمتي وسعت كل شيء وقوله وما بكم من نعمة فمن الله قال رحمه الله وهذا يشترك فيه البر والفاجر وأهل السماء وأهل الأرض والمكلفون وغيرهم هذا الإحسان العام les exemples qu'on a cités la nourriture l'oxygène l'eau la bonne santé et la akhir ça tout le monde en profite les animaux ils mangent ils boivent les êtres humains ils boivent le croyant ils boivent le kafir ils boivent هذا إحسان عام. Et nous, en tant que mu'minun, on est reconnaissant, contrairement à Ahlul Kufr wal Ilhad. Annahum, ils pensent que ça vient d'eux. Et on a déjà fait un tambih, أن البعض عياذا بالله, au lieu d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, et reconnaître que c'est Allah عز وجل qui a créé ces choses, et ça doit les pousser à être reconnaissants, يقولون, c'est la nature. Al-Ahida. Hatta le fait de dire que c'est Allah qui a créé, comme les mouchriquins à l'époque du prophète, à notre époque, il y a une catégorie de gens, malahida, hatta le créateur, ils ont renié son existence. Wa yaquluna anna toutes ces choses, c'est la nature. Et c'est venu tout seul, iyadun billah. Wal khas, al ihsan al khas, la deuxième catégorie, rahmatuhu wa ni'amuhu ala al muttaqin, haythu qal, fasa'aktubuha lilladhina yattaqun, wa yu'tuna zakat. والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذا الإحسان سيكبر هؤلاء للذين يتقون ويؤتون الزكاة إلى آخره أي المؤمنون لكرويان وقال عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين وفي دعاء سليمان أي كما في القرآن وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين هذا الإحسان وهذه النعم elles sont liées au din la guidée الاستقامة الإيمان la foi العلم النافع القرآن والسنة العمل الصالح appliqué ce qui est dans le Coran et dans la Sunna tout ça c'est من إحسان الله عز وجل et لا شك أنه إلي أفضل. أما le premier, bah, tout le monde respire, tout le monde boit, tout le monde mange. Et bien, bah, on doit être reconnaissant en tant que croyant. Et le deuxième, هذا الإحسان, c'est من الكريم, c'est من المنان, c'est من البر, c'est من الوهاب. هذا il est خاص pour ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi. Enfin, si tu fais partie de هؤلاء, Allah il t'a donné l'islam, il t'a donné l'iman, il t'a donné شيء من العلم, il t'a donné le fait que tu aimes le sunnah et tu fais des efforts, fahmadillah. Tu as été choisi, fait le haqiqa. Et هذا, ça doit impliquer des choses qu'on citera ensemble à la fin, bi'idnillah, les fruits de هذا الإيمان et هذا العلم. قال وهذه الرحمة الخاصة. Vous avez remarqué qu'au début, il l'a appelé Ihsan et هنا, il l'a appelé Rahma. Ça se ressemble, في المعاني. قال التي يطلبها. لا شك أن العلم c'est من الإحسان. Allah subhanahu wa ta'ala ahsana li'abdih, kadalik c'est min al-rahmah, kadalik c'est une ni'mah. Enfin, toutes ces ma'anis se ressemblent. Allati yatlubuha al-anbiya wa atba'uhum taqtadi al-tawfiq lil-iman wal-ilm wal-amal wa-salah al-ahwal kulliha. Et non, هذه الرحمه al-khassa qui est réservée pour les prophètes et ceux qui les ont suivis, taqtadi, ça va impliquer ماذا? Al-tawfiq lil-iman. Allah subhanahu wa ta'ala il va les guider. Et كذلك العلم, Allah subhanahu wa ta'ala il va leur donner من العلم والعمل والصلاح الأحوال كلها. Et c'est ça l'essentiel, et c'est dans ça qu'on doit faire les efforts. Mais le premier cas, tu manges, tu vas au travail, tu fais des efforts de fait dunya, le kafir il fera plus d'efforts que toi. C'est pas ça al-matlub, tu n'as pas été créé pour ça. Ça veut pas dire qu'on doit pas travailler, on doit pas faire des efforts, là. Lakin هذه الدنيا, la première catégorie al-ihsan al-khas, ça doit nous aider à faire des efforts pour la deuxième catégorie. Amma, se concentrer que sur la première, faire des efforts que pour manger, boire et la akhira, fa'yadam billah, il n'y a plus aucune différence entre le musulman et le kafir fi hadha al-hal. Vous avez remarqué les kuffars, les efforts qu'ils font fi dunya. Ben, tous leurs efforts, ils sont fi dunya. Mais on n'a pas besoin de hadha, on prend de cette dunya ce qu'on a besoin. Alhamdulillah, tu manges, tu bois, tu as un foyer, tu as des enfants, tu t'habilles. Alhamdulillah. Fais des efforts, n'oublie pas ton dîn, n'oublie pas l'ilm. C'est ça qui va t'aider. C'est ça qui va t'aider, c'est ça qui va être utile fi qabrik. Amma hadhihi an-ni'am al-'amma, l'oxygène, la boisson, la nourriture, les vêtements, tes enfants, il a akhiré, tout ça, quand tu vas être enterré, ça va rester en dehors de ta tombe. Comme ja'a fi hadith Anas radiyallahu ta'ala anhu, yatba'u al-mayyit arba. Quatre choses qui vont suivre le meilleur. Ses enfants, ses biens et ses œuvres. Ils vont tous revenir, sauf ses œuvres. Il n'y a que tes œuvres. Les œuvres, c'est quoi? C'est la deuxième catégorie. Ah ben, tes enfants, ils reviendront. Allah, Allah, qu'est-ce qu'ils feront après toi? Tes vêtements, ton argent, ta maison, elle restera. Tu seras enterré seul. Ce qui te sera utile, mais idnillahi azza wa jal, c'est ce deuxième point, si tu as fait des efforts. Al-ilm, il restera avec toi. Tes œuvres, elles seront avec toi. Hatta ja'a bil hadith, anna al-mu'min al-mayyit, quand il sera mort, et quand il sera enterré dans sa tombe, il verra un homme avec un beau visage. Yubashir bil khayr, kama ja'a fil hadith. Fayaqul man ant. Il lui dira, qui es-tu? Et il lui dira, anna amaluka salih. Anduru. Il sera seul dans sa tombe. Et il sera accompagné par هذا فقط. Mais l'argent, il a un rire. Pourquoi t'accrocher à une chose qui te laissera? Pourquoi donner de l'importance à une chose qui n'est pas importante? Vous avez vu que tu peux déduire, tu peux prendre de هذه الأسماء des معاني عظيمة. C'est pour ça que c'est أفضل العلوم et أنفع العلوم. C'est la science la plus utile pour le mu'min. قال والفلاح والنجاح وهي المقصود الأعظم لخواص الخلق. تأمل قوله هو المقصود الأعظم. المقصود هو الأبجكتيف. الأعظم هو الأبلوز أمبورتون. فاحذروا ولنحذر جميعا d'avoir des objectifs في هذه الدنيا qui nous feront du mal. بعضهم leur objectif عياذا بالله c'est que le sport. بعضهم leur objectif c'est d'avoir une carrière dans tel domaine et l'آخر. بعضهم leur objectif c'est tel projet. Pardon, leur objectif c'est que le physique. Il faut qu'il atteigne tel poids, il a akhiré. Que l'apparence. Alors que, if al mashiat, tu seras enterré. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Wala yamla jawfahu illa turab, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce corps que tu en prends soin et c'est devenu que ton objectif, il sera fait turab. Il sera enterré sous terre. فمن تأمل في هذه المعاني لا شك سافا سافا ليدي كثيرا فتستفيد دونك دو هذا الاسم دي فوائد عظيمه من اعظمها حب الله سبحانه وتعالى لان celui qui te donne الله c'est البر c'est الوهاب c'est الكريم ils traduisent par généreux celui qui donne il a akhir et on répète هنا ensemble on n'a pas besoin نحن de traduire ça non si tu retiens le nom en arabe, al-bar, si tu retiens ce mot, on n'a pas besoin de te donner une traduction. Si tu comprends le sens, alhamdulillah, tu sauras que le bar, il a tel sens. Et même si quelqu'un te demande, tu seras capable de lui expliquer, que ce soit en français ou une autre langue, si tu maîtrises une autre langue. Et c'est ça l'essentiel. Ne pas faire l'erreur d'apprendre ces noms, on les apprend par cœur, on les apprend en français et ça s'arrête là. Mais c'est estavid shay'an, ou... Mais cette estavid kathira, même si tu es une faïda, elle sera minime. L'essentiel, c'est de comprendre les hadith asma en langue arabe avec kalam ahl al-ilm et on s'entraide ensemble en ajoutant des mots en français et pour avoir une ma'na azima et inshallah et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala le tawfiq pour appliquer. Famin thamarat hadith al-asma donc, hubbu Allah subhanahu wa ta'ala. Léna, celui qui te donne, tu vas l'aimer. Et n'oublie pas que toutes les ni'am, c'est min Allah. Même cet être humain qui va te donner ou va t'aider, c'est Allah qui a voulu qu'il t'aide. Donc, en premier lieu, n'oublie pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité et qui t'a donné. Kadhalik, on peut citer Ar-Raja wa Husnu Dhan Billah. Ar-Raja wa Husnu Dhan Billah. Ne désespère jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Karim. Aujourd'hui, tu as un manque d'argent. Ou tu as un problème de santé, ne désespère pas. Allah Karimun. Allah c'est le Wahhab. Il donne sans compter. Faqat il t'a éprouvé. Faqat il te teste. Est-ce que tu vas patienter ou pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'alim, c'est le khabir. Fala taqnat min rahmatillah. Kadhalik husnu dhan. N'est pas de mauvaise pensée envers Allah. Ba'd an-nas ya'budun Allah azza wa jalla ala harf. Kama ja'a. في القرآن. six ans ils sont contents, six ans plus عياذا بالله ربما des insultes, ربما ils se plaignent, ربما dans leur cœur ils ont des mauvaises pensées envers Allah عز وجل. أما المؤمن qui connaît معاني هذه الأسماء, الله il est كريم. الله il est كريم et il est حكيم. أحيانا il te donne et أحيانا il te donne pas. Et comme قال عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Peut-être que tu ne vas pas aimer une chose, tu vas détester une chose, et c'est un bien pour toi. Rubama, que si te donne la bonne santé, à ce moment, peut-être que tu allais faire une chose très très grave. Tu es malade, tu restes chez toi, c'est afdallak. Peut-être que tu aurais de l'argent à ce moment, peut-être que tu t'aurais égaré, tu serais tombé dans certains péchés. Tu n'as rien, tu restes chez toi, wallahilham, c'est afdallak. Husnul dhan billahi subhanahu wa ta'ala, c'est muhim. Et vous avez remarqué que plus on avance dans le livre, plus tu comprends anna, pour avoir hada ad-dhan al-hasan, il faut comprendre les noms d'Allah. Il faut connaître Allah. Comment tu vas avoir husn ad-dhan billahi azza wa jalla et tu l'ignores? Ala shak anna, la moindre chose, elle pourra t'affaiblir. Et avoir des mauvaises pensées. Et kadalik bab al-wasawis y rentre kathiran min hada. Ama celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms, avec ses attributs, et il fait des efforts pour appliquer, il n'aura jamais de mauvaise pensée. كذلك une thamara azima qu'il ne faut pas oublier هنا, si Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné, fais des efforts كذلك أنت pour donner. Ar-Rahma bil khalq. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le Karim, c'est le Bar, c'est le Wahhab, c'est lui qui t'a donné. Tu n'avais rien, c'est lui qui t'a élevé. N'oublie pas, si tu vois ton frère mu'min qui est en difficulté, qui n'a pas, n'oublie pas de l'aider. Hal jaza'u al-ihsan illa al-ihsan. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le bir, et il aime le bir. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le karim, et il aime le karam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime ceux qui qui font des efforts via Dalbab. Et Kadalik, n'oublie pas qu'en donnant, c'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te rajoute. On peut rajouter quelques ajouts min kalam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Qala al-bar wa min asma'ihi al-bar wa huwa dhu al-bir wal-ihsan wal-karam. Vous comprenez pourquoi le Cheikh Saadi a cité al-ihsan am wa khas. Pourquoi il a cité le ism al-karim avec al-bar. لأن سلية في الحقيقة. donc البر سكي ذو البر. البر c'est le bien. c'est Allah qui donne le bien. والإحسان الله سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده. ce soit avec la nourriture, ce soit avec l'argent et autres. et كذلك tout ce qui lie au din, le ilm, la foi, etc. et كذلك الكرم. الكرم الله سبحانه وتعالى donne sans compter c'est الكريم. قال ومن بره هذا الكلام قوم يندلي من مدارج السالكين وقال رحمه الله كذلك في مدارج السالكين ومن بره سبحانه ستره العبد على ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له ولو شاء لفضحه بين خلقه فحذروه وهذا من كمال بره البر نادي السلبيان وَمِنْ بِرِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّنَا en tant qu'être humain, on fait des péchés. La chaque, on a tous des faiblesses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, min birri, il te voit et il sait très bien quand tu fais le péché et il ne te dévoile pas auprès des autres. Ça, c'est une ni'ma azima. Et ma'a hada, tu trouves ba'adha al-fujjar, iyadam billah, Allah subhanahu wa ta'ala, yasturuhum, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yasturuhum fil layl, et hum, ils informent les gens la journée ce qu'ils ont fait la nuit. Alors que le péché qu'ils ont fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne les a pas dévoilés au grand jour. Au lieu de se repentir, au lieu de se remettre en question, wa'ad an-nas, iyadam billah, et ils se vantent. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a akhbara anna jami' al-umma mu'afa illa al-mujahirun. Al-mujahirun, ça vient de mujahara, c'est ceux qui montrent et qui se vantent de leur péché, iyadam billah. Famin birrihi subhanahu wa ta'ala bik akhil karim, c'est que certains péchés que tu fais et personne ne les connaît, inna Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas dévoilé. Fatastafid min hadha, tu dois être reconnaissant envers Allah azza wa jal, et parmi ta reconnaissance, c'est d'arrêter ce péché. Et demander à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il t'a caché ce péché, qu'il te pardonne et qu'il te guide. Fahadha, c'est min ma'ani, ou mimma tastafid min ism al-bir. كذلك من أسمائه عز وجل الأكرم on a pas cité, ça ressemble au كريم الأكرم كذلك ثابت لله سبحانه وتعالى قال رحمه الله ابن القيم الأكرم قال هو الأفعل من الكرم وهو كثرة الخير الكريم c'est celui qui donne le خير الأكرم c'est encore plus fort وإلا فلا معنى c'est la même La sifa, c'est la même, al-karam. قال, وليعرف العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه فيقبل عذره بكرمه وجوده فيوجب له ذلك اشتغالا بذكره والشكر. صحيح, الله سبحانه وتعالى c'est le karim. Et parmi les preuves que c'est le karim, c'est une ni'ma, c'est quand tu te trompes. Tu n'es pas pris en compte. Quand tu fais une chose, un péché volontaire, et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te pardonne, il accepte. Ça, c'est min al-karam. C'est pour ça que tu trouves ba'd an-nas, iyadam billah, peut-être que tu vas faire une erreur. Tu vas lui demander pardon, il ne te pardonne pas. Et il te fait la tête. Alors que tu reconnais ta faute. Ça montre un wa'f. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il a les noms parfaits, les attributs parfaits, c'est le karim, c'est l'akram. Si tu lui demandes pardon, il accepte. On revient à notre fruit, ne désespère jamais. Tu adores un rab qui est karim. Ne désespère jamais. N'importe quel péché que tu as fait. Hatta iyadam billah le kufr ou le shirk. T'as la mécréance, celui qui veut se repentir, Allah karim. Ben Allah subhanahu wa ta'ala, il lui efface tous ses péchés. Ça montre annahu il est karim. Peut-être qu'il a insulté Allah. Peut-être qu'il s'est moqué d'Allah. Il a fait de la mécréance toute sa vie. Un jour, sincèrement, il demande pardon, Allah il est karim, il lui pardonne tout. À l'instant même, tous ses péchés sont effacés. أعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات بل les péchés الله سبحانه وتعالى les transforme en bonne action C'est ça, ma'na al-karim. قال رحمه الله ومحبة أخرى لم تكن حاصلة له قبل ذلك. Ça va te rajouter de la mahabba sur ta mahabba si tu comprends هذه المعاني. Il te donne, et si tu te trompes, il te pardonne. عز وجل. ومن كرمه, si tu ne fais pas de shirk, même si tu ne demandes pas pardon, il peut te pardonner يوم القيامة. Tu as fait des péchés volontairement, tu meurs, tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas fait de tawba, si ce n'est pas du shirk, min karamih, Azza wa Jal, il pardonnera à kathir min al-nas. Rabbuna Azza wa Jal, rahimun, karimun, lakin, on doit faire des efforts pour le connaître. Si on fait des efforts pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ça va nous ouvrir des portes azimah. On ne désespérera jamais. Abadan. Fahada, wa lillahi alhamd, ba'd ma'ani, hadihi al-asma'. ثم قال رحمه الله البصير. On a cité الأدلة des premiers noms. On n'avait pas cité الأدلة. أما دليل البر فقوله عز وجل كما في الحاشية إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. Vous avez remarqué que الله سبحانه وتعالى il a cité اسم البر في هذه الآية اسم الرحيم. لماذا؟ لأن البر c'est الرحيم. Ça va ensemble في المعنى. المعنى لمتقاربة كما قال الشيخ السعدي. أما دليل الوهاب فقوله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا دليل اسم الكريم. أما دليل الوهاب قوله عز وجل وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي سورة صاد العزيز الوهاب. قال رحمه الله البصير. قال المؤلف رحمه الله البصير الذي أحاط بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات. الدليل على هذا الاسم قوله عز وجل إنه هو السميع البصير. بكد أدل على هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى له صفة البصر, أي الله سبحانه وتعالى إفوتو. فلهذا قال أحاط بصره جميع المبصرات, أي الله سبحانه وتعالى إفوتو. يفوى الأبارون, يفوى الكاشي, que ce soit dans l'obscurité, que ce soit en plein jour, que ce soit une chose très petite, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout. Azza wa Jal. قال حتى أخفى ما يكون فيها فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. العلماء citent souvent cet exemple. أي pour montrer أن الله سبحانه wa ta'ala لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. حتى دبيب النملة. دبيب النملة, النملة c'est la fourmi, و دبيب النملة c'est ses pas. Attends, tu peux pas avoir les pas d'une fourmi là. C'est extrêmement petit, la fourmi tu la vois, elle est pas. فالله سبحانه وتعالى il voit les pas de cette fourmi في على الصخرة الصماء. Même si elle marche sur un rocher noir en pleine nuit, فالله سبحانه وتعالى il voit la fourmi et il voit les traces de ses pas. سبحانه وتعالى. قال وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si on garde l'exemple de cette fourmi, il la voit quand elle marche, il voit chaque membre, il voit son intérieur. لا يخفى عليه شيء. قال وسريان القوت في أعضائها الدقيقة. حتى ce qu'elle mange, la fourmi là, ce qu'elle mange, ce qu'elle mange, Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'elle mange, il voit ce qu'elle mange, et quand ça pénètre dans sa bouche, il a akhiré, Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela, il le voit. قال ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار. نعم, l'eau quand il pénètre, l'eau plutôt quand elle pénètre dans la terre et qu'elle pénètre dans les racines de tel arbre ou telle plante, Allah subhanahu wa ta'ala tout ça il le voit. قال وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتها ويرى نياط عروق النملة. قال في الحاشية النياط أي العرق المستبطن. نعم, عروق النملة. عجيب. قال والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك. فسبحان من تحذت العقول في عظمته وسعة متعلقات صفاته وكمال عظمته ولطفه وخبره بالغيب والشهادة والحاضر والغائب ويرى خيانات الأعين. خيانات الأعين أي le moindre regard, le moindre regard Allah subhanahu wa ta'ala il le voit. quand il veut regarder une chose de haram discrètement, rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam, il le voit. قال وتقلبات الأجفان وحركات الجنان قال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وقال عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله على كل شيء شهيد. كذلك هذا الاسم للي avec d'autres noms, السميع الشهيد, الله il est témoin de toutes choses, il voit tout, il entend tout. كذلك اسم العليم, tous ces noms, vous verrez que le kalam min hayth al-ma'na wa al-thamara, ça ressemblera à هذا المعنى العظيم. قال أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسمعه بجميع الكائنات. الله سبحانه وتعالى c'est le محيط. Et on a déjà parlé قليلا de هذا الاسم وسيأتي معنا. محيط علمه أي il cerne toute chose avec son علم. أي il sait tout. Il n'y a rien qui sort de هذا العلم. En d'autres mots, il n'y a pas une chose qu'Allah il ignore, ou qu'il a oublié, ou qu'il ne comprend pas. Abadan, Allah il sait tout. قال وبصره, كذلك il a cerné toute chose de basari, et il voit tout. قال وسمعه, il entend tout, بجميع الكائنات, et toutes les créatures. قال يبصر ما تحت الأراضين السبع, كما يبصر ما فوق السماوات السبع, وأيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى حكمته. نعم, الله سبحانه وتعالى يفوت تو إلى تنتو, وكذلك من يستحق الجزاء فالله سبحانه وتعالى يفوت إلى تنتو ويقدر ويدنغ برابر aux efforts de هذا العبد. فهذا الاسم في الحقيقة يفيدك ترغيبا وترهيبا. الترهيب سي الخوف والترغيب سي الرجاء. هذا الاسم ستستفيد منه أنك تفعبوك بغض الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يتفوى يتنطن يكون تا السيتواسيون, يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حتى خائنة الأعين سرقار personne ne te voit إلا الله. ربما tu es dans un coin, dans un endroit seul, في ظلمات الليل, en pleine nuit, et سرقار في الحرام, الله يعلمه et te voit. ففي الحقيقة, celui qui comprend et qui connaît هذه المعاني, ça va le pousser à craindre Allah. كذلك, ça va le pousser à avoir un خلق عظيم, un comportement عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذا الخلق ويثني عليه الحياء, la pudeur. ستستحي من الله. Pourquoi, à ton avis, كثير من الناس, quand ils sont en public, ils ne peuvent pas faire des péchés. الحياء. Tu as honte, tu as de la pudeur. Tu ne peux pas te dénuder devant tout le monde. Tu ne peux pas faire certains péchés devant tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est qawi fi hadha al-bab, sa foi elle est forte et il comprend ma'na hadha al-ism. S'il est tout seul ou en public, c'est la même chose. Comme مثلا, devant son père, il ne peut pas dire certaines choses, voir certaines choses. Il est tout seul. Allah subhanahu wa ta'ala, il est a'zam, il est akbar, il est a'lam. Ça va lui mettre une barrière à beaucoup de choses. كذلك الرجاء, أن tout ce que tu fais, même si tu es critiqué, même si tu es accusé, même si واحد il prétend que tu es un égaré, si tu fais du bien et tu es guidé, ihmadillah, ne désespère pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que tu fais. Amma ba'd al-ibad, ils vont voir que tu es à la khair, lakin la jalousie ou l'égarement, ils vont dire là, ils vont dire hadha c'est un égaré, hadha c'est un kada. Wala la takhaf wa la tubali. L'essentiel, c'est que Rabbul Alamin al-Basir, il te voit. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des adorations et notre but c'est que les autres ils nous voient. Ce qu'on appelle riya, ça vient de ru'ya. Ru'ya c'est la vue. Et pour que les autres yubsiruna qu'ils te voient, c'est haram hada. Lakin, essaye de ne pas oublier hada al-ma'na al-azim et de remplir ton cœur avec hada al-iman. Et quand tu fais un amal, ton but c'est qu'Allah. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'achète qu'il te voit et qu'il soit satisfait de toi. هذا دونك الترغيب والترهيب من هذا الاسم. فالله سبحانه وتعالى يرى جميع الأشياء. وكثيرا ما يقرن الله بين السميع والبصير, وهذا كثير في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يسيت اسم السميع والبصير. قال مثل قوله وكان الله سميعا بصيرا وكذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآيات تأتي معنا كثيرا. فكل من السمع والبصر محيط بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة. فالسميع الذي أحاط سمعه بجميع المسموعات، فكل ما في العالم العلوي، العالم بفتح الله، والسفلي من الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأنها لديه صوت واحد. Si tu comprends ces deux, on a étudié ensemble aujourd'hui Al-Basir et Inch'Allah on verra ensemble Al-Sami', c'est la même chose sauf que c'est fi ma'na Al-Sam', et Allah il entend tout comme il voit tout. Si tu as compris هذا, فتستفيد une فائدة عظيمة. أي أن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا. Tout ce que tu dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'entend. Tout ce que tu fais, Allah subhanahu wa ta'ala, il te voit. Ta situation, Allah subhanahu wa ta'ala, il la connaît. Ça va te pousser, comme taqaddam ma'ana, à le craindre et à l'espérer. فهذه الأصوات كلها عند الله كما قال هنا كأنها لديه صوت واحد. C'est comme si c'était un son pour lui. Si tu viens à réfléchir à ce moment, combien de gens y parlent dans cette ville, dans ce pays, sur terre, des millions de gens, des milliards de gens qui parlent, des milliards de gens qui se déplacent, qui font. Allah subhanahu wa ta'ala, il les voit tous, il les entend tous. Comme si c'était une personne, comme si c'était un son, comme si c'était un amal. Il n'y a aucune différence, indallah. Bel Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que chacun pense. Qala, لا تختلف عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات والقريب منها والبعيد والسر والعلانية عنده سواء. هتأمل قوله ولا تخفى عليه جميع اللغات. الله سبحانه وتعالى يسيت que fulani parle en français, en arabe, en anglais, en turc, en chinois, الله سبحانه وتعالى il entend ويعلم ما يقول. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى c'est lui qui l'a créé. Il sait tout. كذلك il n'y a aucune différence عنده entre السر والعلن, entre le بعيد والقريب. Quelque chose qui est loin, qui est proche, qui est dit à haute voix, qui est dit à voix basse, Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam hadha ash-shay. Qala sawa'un, il a cité le verset, sawa'un minkum man asarra al-qawl wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-layli wa saribun bin-nahar. Il n'y a aucune différence. Qawluhu sawa'un minkum, ay que vous fassiez ces choses. Man asarra al-qawl wa man jahara bih. Celui qui parle à voix haute, qui garde la chose dans son cœur ou qui parle très doucement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la même chose. Celui qui se cache la nuit ou qui fait la chose en plein jour, indallah subhanahu wa ta'ala, c'est sawa. Falihada qal sawa'un minkum. Et c'est la même chose. Que vous faites telle chose, indallah, c'est la même chose. Qala عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله السميع بصير. تأملوا هذه القصة. On peut lire le hadith qu'il a cité رحمه الله. قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة تشتكي أو المجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جانب الحجرة وإنه لا يخفي علي بعض كلامها فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. Cette femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour parler de son mari. Anna son mari fait telle chose, il a akhir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a entendu la conversation. Bel, il savait. Il les a, c'est lui qui a créé Rasoul, c'est lui qui a créé cette femme, et c'est lui qui a tout décrété, il allait avoir telle chose à ce moment. Et à ce moment, il les a entendus, كذلك. فلهذا عائشة رضي الله عنها قالت تبارك الذي وسع سمعه الأصوات. الصحابة رضي الله عنهم, ils connaissaient هذه المعاني. فعائشة, quand elle a entendu le verset, directement قالت تبارك الذي وسع صوته أو سمعه الأصوات. ثم بينت قالت لقد جاءت المجادلة تشتكي إلى رسول الله. Elle est venue se plaindre عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. عائشة, elle était à côté, elle était pas loin. Elle entendait certaines choses et certaines choses elle les entendait pas. Allah سبحانه وتعالى فوق سبع السماوات, il a tout entendu. فلهذا قال قد سمع الله. Allah il a tout entendu. Il a entendu quoi? قول التي تجادلك في زوجها. Et la parole de cette femme qui s'est plaint auprès de toi de son mari. فهذا انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي معنا اسم السميع. est-ce qu'il va, il va reciter l'isma ou سيكتفي بي سيكتفي بما ذكر هنا نعم السميع إلى إلى ستان كلام مختصر فنسأل الله عز وجل التوفيق والتبات فالـ meilleur moyen on répète pour faire monter إيمان المرء c'est التدبر في هذه المعاني في الحقيقة c'est التدبر في القرآن لأن السنون يصنصيتي في القرآن أو في السنة فقوله عز وجل قد سمع الله قول التي فهي فائدة عظيمة في قوله السميع إثبات صفة السمع أن الله لانتن et dans les autres versets وكان الله سميعا بصيرا صفة أو اسم السميع كذلك البصير et tout ça ça fait monter la foi si tu médites فلهذا الإنسان quand il lit le Coran et quand il étudie l'ilm c'est pour appliquer on répète un mal accroché sur les murs ou sur sa voiture ou acheter un mushaf ou des livres et les laisser, ne pas les ouvrir, ne pas faire des efforts fil-ilm, l'insan il changera pas. C'est quoi qui fait changer l'insan? C'est هذا العلم. Tout ça بتوفيق الله سبحانه. Pourquoi des gens ils arrivent à faire beaucoup d'efforts fil din ou l'ilm et s'écartent des péchés? Les mains d'aller en Ahoumi, ils ont fait des efforts fil هذا الباب. Plus tu feras des efforts, akhil karim, pour connaître Allah Azza wa Jal, plus tu le craindras, plus tu t'écarteras de sa désobéissance, plus tu feras des efforts pour lui obéir. Il n'y a pas de secret. Et c'est cette tariq. Commencez par هذا الباب العظيم. نكتفي بهذا. والحمد لله, on passe à notre deuxième dars بإذن الله عز وجل.